Selon News 1 de Corée du Sud, le commandement du Pacifique des États-Unis a annoncé le 10 la disposition de 5 drones Global Hawk à la base de l'aviation de Yokohama du Japon, avec 105 hommes d'assistance et de gestion et un détachement. Les médias ont révélé que c'est pour la surveillance du Nord. Par ailleurs, les troupes d'agression américaines en Corée du Sud projettent de faire reprendre à partir d'octobre prochain les activités du bataillon de l'information 524, troupe d'information humaine Chumint, chargée de recueillir et d'analyser les informations sur notre République par l'intermédiaire des espions et des déserteurs du Nord.